Bonjour. Excusez-moi, c'est à nouveau moi seulement. En fait, on essaie d'utiliser une autre méthode que d'habitude. D'habitude, c'est avec Internet. Et là, c'était pour faciliter les choses à l'égard de votre cousin. Donc, j'essaie encore une fois. Et si on n'y parvient pas, je vous propose dans ce cas-là de vous appeler par un autre téléphone et mettre des haut-parleurs croisés, de manière à ce qu'on s'entende et qu'on puisse tous discuter. Mais pourquoi vous ne pouvez pas voir mon cousin? Sinon, avec l'organisation d'une visio, vous voulez dire Non, d'une non, non, non, conférence. non, non, l'avoir normalement au téléphone, l'organisme de réunion là que vous avez choisi, il permet de communiquer avec 3-4 personnes en même temps, non? Bien, a priori, non, là je suis gêné. Justement, ça bloque à trois personnes. Et là, il y a Monsieur Terrier, votre cousin et moi. Et j'essaie de vous y ajouter, je n'y parviens pas là, sur cet outil de réunion. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous Parce que laisse. c'est téléphone simple et pas. Après, peut-être qu'on peut le faire un peu plus avec les téléphones portables. Bah, Mais moi, vous m'appelez sur peut-être. mon portable. Et Là, je vous appelle sur votre portable. quel provider utilisez-vous pour cette réunion? Là, je suis avec un téléphone fixe également. Ouais, d'accord. Donc c'est par Orange ou des choses comme ça. Mais à Orange, on peut très bien organiser 4, 5, 6 personnes en même temps sur une réunion commune, hein? Pas de souci, j'ai fait ça pendant des années. D'accord. Eh bien, je n'en ai pas l'habitude. Alors là, si j'essaie une nouvelle fois, excusez-moi, j'essaie une nouvelle fois de cette manière. Et sinon, parce que vous organisez de quelle manière? Donc, directement sur votre portable? Ah ben, vous m'appelez sur mon portable là. Bon, on peut communiquer par Skype, on peut communiquer par tout ce qu'on veut, quoi. Le tout, c'est de s'organiser au départ. Oui, ça, bien sûr, bien sûr. Bon, j'essaie simplement une nouvelle fois de vous mettre dans la conférence qui est organisée avec les autres. À tout de suite. D'accord. Allô? Allô? Vous m'entendez? J'entends, oui, je sais pas si on est bien raccordé tout ça sur la réunion, mais C'est Monsieur Terrier. oui, tout à fait. D'accord, je Pardon, je suis. me suis pas présenté, mais je. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis Black Belair. Oui, bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai pas l'impression que monsieur de Montredon et maître Thibault vous entendent, je sais pas, peut-être. Ben, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression, en tout cas, ils ne répondent pas. Bon. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu expérimental. Ça peut se faire à 3, mais 4, c'est un peu compliqué d'après Maître Thienot. Non, non, normalement, ça se passe très bien à 4 ou à 5 ou à 6. J'ai fait ça pendant des années. Oui, je pense. Oui. Je ne sais pas. Bon, on va attendre qu'ils nous. Qu'on puisse être tous les quatre. D'accord. Ça va bien, vous? Oui, très bien, oui. J'ai un Oui. peu, voilà, pour situer les choses, j'ai un peu provoqué cette Ouais, réunion. mais on va en parler, on va en parler. Ça me va bien, Oui. moi. Ça me va bien, ça me va Oui, non, bien. je Et pense que c'était une. Voilà. pour les autres affaires, vous avez d'autres touches là? On peut en reparler. Mais il reste, en gros, c'est quand même le gros du noyau, là, qui est, Oui. le gros, qui est quand même. Pour lequel on avait, où on a. Des choses qui sont bien engagées, il reste pour schématiquement, il reste tous les prémarais Oui, qui voilà. sont situés sur les voilà Longueville, la Tranche Tout à et fait. l'Angle. Ça va être plus difficile à vendre, non? Mais disons qu'on a une offre qui était du Conservatoire du Littoral pour la majeure partie, que j'ai Très trouvée un bien. peu courte. Bon, c'est bien ça. Comment? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Oui. Christian Moredon m'en avait parlé de ça. Bon, alors Oui, c'est. alors l'offre est un peu juste, mais c'est vrai que bon, ce sera une décision de propriétaire de savoir ce qui conviendra de faire Vous voulez dire si on juste en arrive à prix? bien vendre le reste. Vous voulez dire juste en prix? Oui. En fait, ils passent d'un prix qui est correct, je pense, enfin, qui correspond au marché local. Et après, ils ont mis une décote liée au fait que c'était loué. Attendez, j'ai un deuxième appel, je pense que c'est Maître Thiénot. Allez-y, prenez. Ah, non, c'est pas Maître Thiénot, donc je ne prends pas. Donc le conservatoire a fait une offre sur la base de 1500 euros de l'hectare. Ils ont retiré 15% ils ont fait une décote de 15% liée au fait que tout était loué, quoi. Oui. Ce qu'on peut entendre quand on est du côté de l'acheteur, mais eux, disposant d'un droit de préemption supérieur à tous les autres, finalement, dans tous les cas, ils l'achèteront, et donc ils usent un petit peu de ça pour gratter 150 euros par hectare, quoi. D'accord. Donc, ils avaient un petit peu laissé, en fait, avec monsieur de Montredon, on s'est dit, bon, concentrons-nous sur les autres parties, parce que c'était au moment où on avait des offres sérieuses et où on allait avoir l'accord de l'indivision. Et puis le confinement est arrivé et tout ça, et on a déjà en avance sur la partie Bernard et la partie Chagnolière Cornetière, et on verra. Et puis, très bien. Et puis voilà. Bon, mais je pense pas que côté Black Bel Air, vous ayez de vrais problèmes quant au prix. Hein. Bon, j'ai bien noté 15 euros l'hectare et moins 15% après, derrière. Hein, c'est ça? C'était sur la base de 1500 euros de l'hectare. Oui, 1500, pardon. Et donc, ils faisaient une décote de 15%, et donc on arrivait 10 ou 15%, j'ai un doute, je regarde avec précision, bon, on arrive à 1350 euros de l'hectare. Quoi. D'accord, ok. Bon, et après, il restait deux lots, encore deux parcelles, deux ou trois parcelles. D'accord. Alors, Maître Thiénot m'appelle par un autre biais, donc là, pour le coup, je vais répondre. D'accord, allez-y. Alors, j'attends toujours qu'on me rappelle. Je suis toujours en attente. Toujours en attente. Allô? Allô? Monsieur Jacques Bélair, nous sommes au téléphone avec votre cousin, Monsieur de Montredon, et Monsieur Terrier également. Et nous y sommes arrivés. Bon, c'est très bien, félicitations. Voilà, il y a simplement, on a dû faire avec les moyens du bord. J'ai Monsieur Terrier en fait sur mon téléphone portable et vous avec un autre téléphone en conférence. Mais voilà, on y parvient et on s'entend. Je suis désolé, je maîtrise mal cet outil et habituellement on le fait par un canal internet. D'accord. Bah, appelez-moi la prochaine fois, je vous organise le truc. Merci. Ça, je plaisante. Voilà, donc il semblait nécessaire, c'est la proposition de Monsieur Terrier, de faire un point sur le dossier ensemble, de façon à ce que les choses soient claires et plus limpides et qu'on puisse prendre des décisions plus facilement. Voilà, parce qu'il y a eu plusieurs changements dans le dossier. On parle essentiellement en fait du dossier sur les parcelles exploitées actuellement par Monsieur Lucas. Et pas l'autre, là, pas du tout. Lucas, ouais, d'accord. Et la régie, incluant aussi dans le périmètre les parcelles exploitées à la Corvetière par M. Bousséchet, puisqu'en fait, on avait une offre pour l'ensemble. Voilà, tout à fait. On était sur le point, quoi, et un compromis qui est en train de réaliser sur l'ensemble de cette surface, soit à peu près 140 hectares, quoi, 130. Tout a été divisé en différents lots, plusieurs ventes, avec toujours dans le monde rural quelques jalousies qui se créent. Il y a une vente qui a été consentie au GAEC de la Landette, actuel exploitant. Ils ont finalement substitué une nouvelle société. Donc ça veut dire que ce n'est pas la société titulaire du bail qui achètera, mais une société tierce, qui veut bien dire également que la SAFER aura un droit de préemption sur cette opération. Bon, sur cette affaire, il ne semble pas qu'il y ait de jalousie quelconque, ça devrait passer, sauf si Monsieur de Montredon me dit le contraire, mais semble-t-il, ça devrait convenir. C'est sur l'affaire donc avec Lucas, donc là il y avait eu un lot qui avait été préparé avec la SAFER initialement, qui se proposait de l'acheter initialement, mais qui négociait trop fermement le prix. Et entre-temps, une personne s'est manifestée, je ne sais pas d'ailleurs comment elle l'a appris, mais en tout cas, elle avait... Si je puis me permettre de rectifier un petit peu, c'était pas tant une question de prix, parce que la SAFER avait consenti à faire quelques efforts, mais ils étaient allés un peu vite en besogne, puisque la SAFER ne peut acheter dans leur statut des terrains libres, et ils n'ont pas réussi à obtenir de M. Lucas la renonciation à son bail, la promesse, quoi, là. Qu'il renoncerait à son bail. Et donc, la SAFER a fini par, voyant que les choses étaient bloquées, a fini par dire on arrête, quoi. En tout cas, ils n'ont pas souhaité poursuivre. Et c'est quelqu'un qui a connaissance du dossier par le biais d'un agent immobilier qui avait un mandat pour vendre l'exploitation, pas des terres, mais de M. Lucas. Et pareil, ça s'est soldé par un échec. Et cette personne. À remonter un petit peu le cours du dossier et à trouver des contacts de maître Tieno ou de moi, je ne sais plus, et à faire aligner sur la SAFER. Entre deux, on a eu d'autres personnes qui étaient intéressées, donc on a réussi à créer une petite émulation autour de ce dossier et à gratter un petit peu et à avoir un prix qui était finalement assez intéressant et c'est l'offre du perfect. Voilà. Et entre-temps, donc depuis, alors que nous avons une promesse rédigée, validée, on a même reçu la provision sur frais de la part de M. Duberseuil, hein, qui semble bien engagé pour cette acquisition, eh bien M. Lucas, l'exploitant qui avait un peu de mal à payer ses fermages jusqu'à présent, a manifesté son souhait, son intention d'acheter. En tout cas, il a bien fait part de son envie d'acheter. Après, s'il en a la capacité, on a évidemment des doutes dessus. Je me suis donc permis d'appeler son avocat, qui est celui qui nous a écrit, lequel m'a indiqué que Monsieur Lucas envisageait un partenariat ou une association avec quelqu'un qui aurait donc des moyens, un financier qui aurait les moyens d'acheter. Voilà. Donc ça, je vous l'avais exposé rapidement, Monsieur Black Belair, hein, il y a quelques semaines de cela. Ah non, je n'étais pas au courant de l'histoire de l'avocat. Que vous avez joint, là, non, on n'avait pas parlé. Voilà, ça c'est la nouvelle étape. Je vous avais indiqué simplement que Monsieur Lucas avait manifesté son intention Nous sommes d'accord. D'acheter. C'est moi qui vous l'ai appris, d'accord. D'accord. Exactement. Et donc depuis, j'ai eu cet avocat qui, lui, m'a dit qu'il y avait un associé, un partenaire qui aurait les fonds pour le faire. Mais alors, moi, j'ai aucun justificatif. Mais il semble motivé non seulement pour acheter la partie qu'il exploite et la partie boussée, donc ce qui élargit encore plus le périmètre de vente. Mais peut-être que vous ne voulez pas vendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la vente elle se limite sur la partie exploitée par Monsieur Lucas à 106 hectares, alors que Monsieur Lucas exploite lui 110 hectares. Donc il y a 4 hectares de différence qui n'étaient initialement pas destinés à cette vente, qui pourraient en plus être intégrés. Et venir augmenter le prix. Lucas exploite 106 hectares. Si je peux me permettre, le bail qui est l'indivision à M. Lucas est de 110 hectares et des broutilles. D'accord. Et il y a 4 hectares qui sont situés de l'autre côté d'une route qui intéressait M. de Montredon et qui. Aurait pu faire l'objet d'une attribution, je sais pas le terme exact, mais au sein de l'institution. Voilà. Et donc, ça réduisait le périmètre de la vente à 106 hectares. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Et les 33 autres, c'est bien Bousset ? Exactement. D'accord. Bon. Alors, pour ma part... Je peux intervenir. Oui, vas-y, Christian, vas-y. Bonjour. Allô ? Salut, oui. Christian, bonjour. Ah, vous m'entendez? Oui, deux choses. Je reviens sur le gars avec la landette. Vous me dites que si c'est une société, la SAFER a la possibilité de préempter. Ce n'est pas le fait que ce soit une société, mais le fait que ce soit quelqu'un d'autre que le preneur à bail. Donc, il va y avoir... une dénonce à la SAFER pour les terres exploitées par l'ex-GAEC Lalandette et pour Moreau. Tout à fait. D'accord. Deuxièmement, sur l'affaire Lucas, c'est 110 hectares, il y avait 3 hectares et quelques qui sont en quelque sorte enclavés dans la propriété dont j'ai demandé l'attribution, et j'avais demandé également récemment l'attribution de ces 3 hectares, et qui m'a été accordé par principe par les indivisaires. Donc je souhaiterais avoir ces 3 hectares 80, et il ne resterait plus que 106 hectares dans la propriété de M. Lucas. D'accord. Et vous me dites qu'il serait intéressé également, avec son partenaire financier, à racheter les terres de Bousset. Oui. Oui, donc là, pour ça, si vous voulez, pour nous, pour moi, de mon côté, il n'y a aucun problème. S'il rachète ses 106 hectares plus les 30 ou je ne sais pas combien, il y a 50 hectares de... 33. Comment ? 33 à Cornetière, qui sont maintenant au terme que je crois que c'est déjà, en fait. Après, donc, Voilà. Qui porte le total de superficie à... 139, 62, 27, exactement. Alors voilà, maintenant la question est celle de savoir si nous poursuivons avec M. Duperseuil, qui semble bien engagé à acheter, avec la précision évidemment que M. Lucas détiendra un droit de préemption en sa qualité de fermier, ou alors si nous étudions plus sérieusement la possibilité de vendre à M. Lucas. Alors, je donne mon sentiment. Et je fais suite à la dernière communication que nous avons eue, M. Thiénot, ensemble. Lorsque je vous ai informé que Lucas voulait acheter, vous m'avez dit bah, « c'est très bien ça, parce que en fin de compte, ça nous évite, si on vendait à Dubersoy, ça nous évite un droit de préemption de sa part. Hein » bon. Alors, donc, on revient à la case départ. Maintenant, quelle position avoir vis-à-vis du Dubersoy? Que dire? Sinon que Lucas, avant de se mettre en position d'acheteur, a fini par régler enfin son arriéré de loyer. Bon, ça démontre un peu à la fois sa motivation et à la fois sa stratégie. Donc, moi, pour ma part, je suis vendeur de la totalité à Lucas, s'il a les moyens d'acheter. Alors, la question qui se pose avec Lucas, c'est celle de sa solvabilité. Alors, s'il donne des garanties financières dans ces conditions... je ne vois pas pourquoi on ne traiterait pas directement avec Lucas, mais le problème de Dubersoy, bien qu'on ne soit pas engagé avec lui, Dubersoy n'a encore rien signé. Non, de lui expliquer qu'il va y avoir un droit de préemption de Lucas. Alors, pour reprendre, moi, quand j'avais exposé les choses à Dubersoy, il est tout à fait au courant de la situation de M. Lucas et tout ça, et du fait que M. Lucas risque de préempter. Et lui, de son côté, il a quand même étudié et s'est adjoint les conseils de juristes ou d'avocats pour justement, une fois, pour essayer de contrer un peu cette histoire de droit de préemption, ou en tout cas, essayer de faire son affaire personnelle de cette histoire avec M. Lucas. Et sans compter le fait que M. Lucas serait intéressé et potentiellement préempterait. Donc, peut-être la première chose à faire serait avec M. Dubersoy, de lui exposer la situation en toute transparence et à la suite de quoi prendre une décision quant à M. Lucas, quoi. Comme à la réponse à lui apporter. D'accord. Donc, alors, il y a plusieurs sujets là qui ont été soulevés. Donc, il y avait la question de la solvabilité de Monsieur Lucas. Si jamais sa candidature a été retenue, on pourrait demander, en tout cas, je pourrais le glisser auprès de son avocat conseil, qu'il ne mette pas de conditions suspensives de prêt. Et donc, il finance de cette manière, donc sur fonds propres, on n'est pas la condition de prêt, ce qui signifie que s'il n'achète pas, on est bloqué. Pour une raison ou pour une autre, il sera sanctionné. Moi, ça me va bien. Hein. Plus, si vous voulez, toute cette affaire-là, plus on va la maîtriser et plus on va verrouiller hein, les uns et les autres pour éviter toutes ces incartades, là, parce qu'on s'en sort pas. Quoi. C'est des trucs hallucinants quand on arrive de l'extérieur. Donc, moi, je suis favorable, effectivement, à ce que Maître Thiénot prenne toute disposition auprès de Lucas pour verrouiller les histoires de prêts, mais pour s'assurer également de la solvabilité de son associé et d'avoir des garanties quant à la solvabilité de l'associé. D'accord. Donc, ces garanties, elles passeront par un compromis qui est fait sans condition de prêt. Exactement. On va voir s'il est prêt à l'accepter. On verra, si vous voulez. Moi, je peux faire cette offre à laquelle il devra répondre en contre-offre. Ensuite, le deuxième sujet, c'était celui de M. Dubersoy. Sur M. Dubersoy, M. Taillet vous indiquait qu'il était bien au courant du contexte. Je ne suis pas sûr qu'il était au courant du fait qu'il a un enfant, M. Lucas, l'exploitant, qui est en mesure de reprendre prochainement, parce qu'il est sur le point, a priori, à faire, c'est ce que m'a dit l'avocat conseil de M. Lucas, sur le point d'avoir son bac agricole. Oui, peut-être qu'il savait qu'il y avait un autre fils qui était intéressé. Après, je ne sais pas à quel niveau, s'il savait qu'il était sur le point d'être diplômé. Je ne sais pas ce qu'il est savoir dans quelle mesure un agriculteur peut jouer la montre pour installer un fils qui aura des diplômes, on ne sait pas quand, qui n'a même pas l'âge. Oui, moi non plus, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais voilà, en tout cas, lui pensait véritablement pouvoir rendre la propriété libre d'occupation assez rapidement. Si on lui montre que aujourd'hui Monsieur Lucas est prêt à acheter, c'est qu'il n'a pas l'intention de laisser cette exploitation libre prochainement. Voilà. Et une autre question adjacente. Monsieur Lucas avait mis, était propriétaire de son exploitation, enfin des bâtiments de sa maison, des bâtiments d'exploitation, qu'il avait mis en vente dans une agence, je ne sais pas comment il s'appelle, à Nantes. Oui, Garnier Agri. Si. Garnier. Est-ce qu'il a vendu ou non cette maison? Parce que s'il a vendu, je ne vois pas très bien comment son fils pourrait exploiter, où serait le siège de l'exploitation. S'il n'a que des terres agricoles, sauf à habiter à côté, bien évidemment. Mais c'est quand même un peu étrange qu'aujourd'hui, une fois, s'il avait vendu sa maison, qu'il veuille préempter, qu'il veuille... Voilà. Oui, après avoir mis sa ferme d'exploitation agricole, on rentre pendant 2 ans dans des agences immobilières. C'est un point... Après avoir vendu tout son matériel agricole, puisqu'il n'a plus de matériel, et qui n'exploite plus directement, mais qui le fait exploiter par une entreprise, d'après ce que l'on m'a dit. Exactement. Oui. Ça, c'est un peu des bruits de plaine. Et pour être allé sur place plusieurs fois, effectivement, à chaque fois que j'y allais, il y avait un tracteur en moins, et la dernière fois, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, je pense qu'il a complètement décapitalisé son exploitation pour désintéresser créanciers, divers entrepreneurs et bailleurs, quoi. Ouais, il s'est mis en insolvabilité, si je comprends bien. Comment ? Lucas s'est mis en insolvabilité. Je ne sais pas s'il s'est mis en insolvabilité. Les quelques recherches que j'ai faites n'avaient pas de procédure collective à son encontre. Mais voilà, c'est plus géré comme une entreprise agricole classique, quoi. Et j'ai pas compris, il a vendu la maison ou pas ? Elle est, sa maison à Lucas, elle est vendue ou pas ? On le suppose un petit peu, enfin, M. Mourenon le suppose. En tout cas, il a eu une rentrée d'argent un peu plus importante que d'habitude, ce qui lui a permis de payer son fermage. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Et après, il faudrait se renseigner plus localement auprès de M. Robert. Et ça, je ne sais pas. J'ai pas l'information sur le fait qu'il ait réellement vendu ou la maison ou les bâtiments d'exploitation. Vous avez moyen de vous en assurer ou pas de ça ? Parce que... Parce que... M'en assurer, je sais pas. Oui, je vais essayer d'avoir une information. Je sais pas comment... Quoi, j'ai pas les moyens d'en avoir la certitude, quoi. Ouais. Bon, parce que, en fin de compte, cette affaire-là, si elle est malmenée, hein, et que, encore une fois, on immobilise du Berceuil d'un côté pour favoriser Lucas, et que le Lucas en question nous file entre les pattes parce que il y a encore son fils, sa maison, son truc, son associé, etc., tout ça, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Hein. Et depuis le départ, on se fait promener, si vous voulez, par ce gars-là. Depuis le départ, si vous voulez, on traîne sur ce dossier à cause de M. Lucas, quoi. Voilà. Alors... Il a toujours été complètement faux et filant. Et c'est à cause de lui qu'on avait la petite assassinat à capoter. C'est à cause de lui qu'on avait un premier investisseur hollandais qui a fait une ferme à capoter. Monsieur du Berceuil, c'est sur le point de capoter, et à chaque fois, entre guillemets, c'est à cause de la non-réaction ou de la manifestation à dernier moment de Monsieur Lucas. Quoi. Et puis, je pense qu'on peut avoir un problème avec Bousset, qui, lui, nous réserve encore un chien de sa chienne, si j'ai bien compris, pour les fameux 33 hectares, là. Parce que, je sais pas, on aurait fait quelque chose qui lui déplaît, etc., etc. Et si on n'a pas un blocage avec Lucas, on a un blocage avec Bousset. Exactement. Mais ce blocage avec Bousset, on l'aura dans tous les cas en vendant à Lucas ou en vendant à Dubertaille. Alors, quel est le plus favorable ? Est-ce que Lucas et Bousset s'entendent ? À Maître Thiénot, est-ce qu'on est dans un cas comme dans l'autre, qu'on vende à Lucas ou qu'on vende à Dubertaille, est-ce qu'on est obligé de dénoncer la vente à Bousset pour son droit de préemption? Est-ce qu'il a un droit de préemption? Alors, bien... Oui. Non. Vous n'allez pas lui dénoncer la vente. Alors, il a aujourd'hui pas le droit d'exploiter. Donc, il n'est pas titulaire du droit de préemption en vertu du code rural. Après, on peut lui envoyer un courrier simplement pour l'informer de la vente, mais qu'il n'est pas en droit d'exercer un quelconque droit de préemption. Comme ça, il n'y a pas de contestation possible. C'est ce qu'il faudrait faire, de toute façon. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il faudrait faire, parce que moi, je sais que par mon cousin Pierre, qui exploite des terres à côté de celle de Bousset ou je ne sais quoi, eh bien, c'est qu'il nous réserve un chien de sa chienne. Et donc, il faut le neutraliser dès le départ, pour éviter qu'il nous casse la vente au moment où on sera en plein dedans. Oui. Bien sûr. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen, en fin de compte, ben, pour résumer, je schématise, hein, je vous fais part du fond de ma pensée. On laisse Dubertaille et on le prévient qu'on le laisse en stand-by. De toute façon, on aurait dû avoir, de la part de Lucas, un accord tacite pour vendre. Hein, d'accord ? Donc, à partir de là, on laisse Lucas en stand-by. On prend l'avocat de Lucas et à celui-là, on lui demande de nous faire une. On lui dit voilà, on vend sur cette base-là, d'accord ou pas d'accord, avec votre associé ou sans votre associé, mais avoir une position claire et que l'on sache à quoi s'en tenir et pas un truc qui nous promène pendant des mois. Oui. Je me fais comprendre là? Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Et on donne des délais extrêmement rapides de réponse. Parce que sinon, plus on va durer, plus cette affaire se complexifie. La preuve, c'est qu'on est obligé de se réunir à quatre, etc. Et moi, je suis ravi qu'on se réunisse. Hein. Moi, ça me va bien. Mais cette affaire-là se complexifie comme c'est pas permis. Et on va plus rien maîtriser, ni les uns ni les autres. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis d'accord pour faire cette proposition, écrire à l'avocat en listant les parcelles, en donnant le prix, en demandant de se prononcer sans condition de prêt dans un délai de 7 jours, sous huitaine. Par exemple. Sous huitaine, et il se prononce, et s'il ne prononce pas, et on signe avec Dubertaille et on purgera le droit de préemption de M. Lucas seulement, à l'exclusion de celui de M. Bousset. Ça, c'est une bonne nouvelle hein, que vous nous avez donnée pour Bousset, que l'on n'ait pas, qu'il n'ait pas le droit de préemption puisqu'il n'exploite pas. Ça, c'est bien. Et là, l'affaire détiendra toujours le droit de préemption. Quoi qu'il arrive. On ne peut pas l'éteindre, ce droit-là. Ouais. Et ça, quoi qu'il arrive. Cette affaire ne le détiendra pas sur la vente faite au profit de M. Lucas, si c'est M. Lucas, et n'aura dans ce cas-là un droit de préemption partiel sur l'autre partie. Et encore, je me demande s'il ne peut pas y avoir une exonération à ce titre, une exemption à ce titre. Mais a priori, donc, ça limitera le droit de préemption de la affaire si on vend à M. Lucas qu'à la partie exploitée par M. Bousset. Voilà. 30 hectares. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Ça limitera le droit de préemption de la SAFER qu'à la partie correspondant au foncier exploité par M. Bousset. Oui, d'accord. Et et dans le... Pour Lucas, vous disiez qu'il y avait une condition suspensive de prêt. Et ensuite, si on signe un compromis, vous m'aviez dit qu'il avait il y avait une condition de réalisation de la vente dans les deux mois, sinon... Alors, deux choses. Il y a, en fait, si on a une condition suspensive de prêt, ce qui peut être demandé par M. Lucas, comme c'est demandé aujourd'hui par M. Duberteuil, cette condition, on l'enferme dans un délai. Donc, en effet, il devra nous justifier avoir obtenu ou non ce prêt dans un délai qu'on lui fixera. Qui est de combien ? C'est trois mois ? On peut le fixer librement, le minimum étant de un mois. Donc, l'usage, c'est plutôt deux mois. D'accord. Voilà. On peut l'enfermer dans un délai plus court, si vous le souhaitez. Et ensuite, il y a un autre délai, c'est le délai de réalisation de la vente, cette fois. Et ce délai de réalisation de la vente est généralement fixé à 3-4 mois selon les ventes. Mais voilà. D'accord. Donc, il y a un délai indépendant de celui de la condition de prêt. D'accord. OK. Donc, et ça, c'est si on a une condition de prêt. Si en revanche, on n'a pas de condition de prêt, on met qu'une date pour la réalisation de la vente. Ce délai étant nécessaire aux formalités entre promesses et ventes, normalement vis-à-vis de la SAFER essentiellement. Et s'il refuse de signer alors que la SAFER a renoncé à son droit de préemption et que tout est en règle, s'il renonce à acheter, eh bien, il devra payer 10% du prix. C'est très bien. 10% nous auront été versés dès la signature du compromis qu'on aura nous dans nos comptes. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. L'indemnité de mobilisation, c'est le coût du caprice, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, Thierry ? Qu'est-ce qu'il dit, M. Thierry ? Que c'est l'indemnité d'immobilisation qu'on appelle autrement le coût du caprice. Ah oui, oui, d'accord. Ouais, d'accord. Bon. Il y a quand même une réflexion que je me fais avec l'histoire de l'associé. Si Lucas prétend qu'il est avec un associé pour venir boucler l'affaire, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas de prêt, cet associé. Et il y a de grandes chances qu'il ne fasse pas de demande de prêt. Parce que si... Il y a cela, non, en effet. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt à votre avantage parce que ça veut dire qu'il a les finances dès l'origine. Donc moi, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est que si on a un extérieur, il ne va sûrement pas prêter de l'argent ou donner de l'argent comme ça à M. Lucas. Et ce qui signifie que notre acquéreur ne sera plus M. Lucas, mais donc une nouvelle société dans laquelle il y aura le financier ou autrement. Et donc, on ne fera plus une vente au fermier. Et dans ce cas-là, on se retrouvera dans la même situation qu'avec M. Duberteuil, puisqu'on aura à nouveau le droit de préemption de la SAFER. On ne vendra plus au fermier, on vendra à une nouvelle société composée du fermier et de quelqu'un d'autre. Est-ce que dans ce cas-là, Lucas conserve son droit de préemption, même si c'est une autre société ? Monsieur Lucas conserve son droit de préemption, en effet, mais bon, il n'exercera pas, a priori. Mais en revanche, on aura le droit de préemption de SAFER. C'est vous, maître, qui disiez que vous aviez eu l'avocat de Lucas qui parlait de cet associé-là. Oui. Qu'est-ce qu'il vous en a dit ? Pas grand-chose. Il m'a dit que ce partenariat, en fait, il ne me parlait pas vraiment. Il me parlait d'association, partenariat, c'était un peu flou. Je voyais qu'il ne voulait pas m'en dire beaucoup plus dans l'immédiat. En fait, c'était du donnant-donnant. Il fallait que je lui donne des informations aussi sur la vente pour qu'il m'en donne sur le partenariat avec... Monsieur Lucas, et donc il m'a dit qu'il n'y aurait aucun problème sur les questions financières, que c'était solide sur le plan financier, mais qu'en revanche, le partenariat n'était pas encore définitif. D'accord. Que les choses étaient encore au stade de projet. D'accord. Donc c'est bien ce que je pense, on n'aura pas de prêt avec cet acquéreur potentiel, je pense. Si c'est solide financièrement. On peut en effet le demander, mais ce qui est un peu gênant, là, après tout, on peut y aller comme ça, hein, c'est que on va vendre, donc si on vend au fermier, à M. Lucas, directement, il n'y a pas de droit de prendre son affaire, tant mieux, sur la partie vendue, exploitée par M. Lucas. Si par contre, on vend à une nouvelle structure composée de M. Lucas et de l'investisseur, il y a un droit de préemption de l'affaire. Ouais. Néanmoins, on se retrouve avec un droit de préemption de SAFER qu'elle aura du mal à exercer, la SAFER, parce que il y a toujours la situation locative, c'est-à-dire que M. Lucas, il est toujours titulaire du bail. Donc ça veut dire que la SAFER, elle devrait préempter pour acheter un bien qui est loué encore et qui restera loué après sa préemption. Et elle n'arrivera pas derrière à rétrocéder ou en faire répondre à son à sa mission principale, qui est l'exploitation de nouveaux agriculteurs. Donc, je pense que c'est peu risqué, même si on vend à une autre structure composée de l'investisseur et de M. Lucas. D'accord. Autre chose, maître, est-ce que j'ai bien compris tout à l'heure, lorsque la communication n'est pas très très bonne, alors donc il faut avoir une oreille très attentive, est-ce que j'ai bien compris que Lucas et son associé rachèteraient également les terres de Bousset ? Oui. Voilà. C'est ce qu'il m'a signalé. En tout cas, l'avocat, quand il m'a... Parce qu'en fait, lui, il a envoyé un courrier évoquant uniquement la partie exploitée par M. Lucas. Quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, oui, mais nous, la vente porte sur quelque chose, sur une partie un peu plus importante, ça porte sur d'autres parcelles qui sont dans la continuité hein, des parcelles. On est toujours sur un bloc, et il y a bien une logique d'exploitation là-dedans. Eh bien, l'avocat m'a confirmé que ça intéresserait. Bon. Eh bien, il faut y aller, hein. J'écris dans un premier temps à l'avocat pour lui signaler la liste des parcelles et les conditions attendues, donc prix et sans conditions suspensives. Et par ailleurs, j'appelle le notaire de M. Duberceuil, lui indiquant qu'il y a un contretemps, et je lui explique clairement la situation. Je ne fais pas de cachotterie. Pour ma part, oui, mais j'aimerais entendre Christian. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord sur cette procédure. Voilà. Mais est-ce que ce serait possible, maître, d'avoir, que vous me communiquiez avant de l'envoyer à l'avocat, à l'avocat, le projet, de façon à ce que je vérifie, enfin, je vérifie que il y a toujours des coquilles, si vous voulez, dans ces actes. Parce que, par exemple, la procuration que vous avez envoyée, vous avez appelé Maître Branger, vous l'avez appelé Maître Béranger. Non. Voilà. Alors, si vous voulez, c'est juste pour prudence, si vous voulez. Oui, oui, la confiance n'empêche pas le contrôle. J'ai aucun problème avec ça. Je vous l'envoie. Donc, ce que je vous propose, je regarde. Je peux commencer à m'y mettre tout de suite. Je devrais être en mesure de le rédiger là dès maintenant et je vous l'envoie en fin d'après-midi. Et si je ne voulais pas envoyer en fin d'après-midi, ce sera demain. Oui, très bien, très bien. Est-ce que je peux vous taquiner, maître? C'est ce que vous m'aviez déjà dit la dernière fois. J'ai le droit. Vous pouvez me taquiner. Je vous prie d'excuser. C'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Et ça, c'est, ça remonte à un mois, quoi. Hein. Ça remonte à trois semaines, ouais, exactement. Oui. Bon. Bon, donc là, c'est fiable pour le coup. Hein. Là, il y a une offre à rédiger, en effet, quelque chose d'important qui est un tournant du dossier. Donc, je m'y engage. D'accord, ok. Moi, ça me va bien. Mais j'aimerais qu'on puisse poursuivre cette discussion. Bon, avec M. Terrier, que je commence à peine à connaître. Alors, au niveau des prémarrés, vous me disiez en début de réunion, M. Terrier, que vous aviez une offre en cours avec le Conservatoire du Littoral, etc., etc. Vous pouvez nous en dire plus et, en un mot, ma question et l'arrière-pensée que j'ai, c'est qu'on solde une bonne fois pour toutes cette affaire, ces affaires qui, plus elles tardent, plus elles deviennent complexes à gérer, et moins on s'y retrouve. Au prix de 1350 euros. euros, commission complète de l'hectare. Et le confinement étant arrivé, et d'autres dossiers, notamment Jean-Yves Lucas et Bernard, commençant, on avait des offres sérieuses et des pistes, quoi, des pistes ont été des accords pour avancer vers un compromis. Eh bien, on n'a pas donné immédiatement suite au conservatoire, mais voilà, il y avait cette offre-là, donc qui permettrait de solder cette partie-là. Il resterait 2 ou 3 parcelles. Alors, attendez, monsieur Terrier, restons sur ces prémarrés. Est-ce qu'on peut aujourd'hui décider du fait que vous allez nous mener un dossier avec le Conservatoire du Littoral et qu'on puisse régler ça par le biais de Maître Thiénot et qu'on ait procuration pour vendre, etc. Et d'ailleurs, il faut qu'on reparle des procurations, monsieur Thiénot, avant qu'on se quitte. Est-ce que, monsieur Terrier, on peut faire ce genre de choses rapidement, dans des délais? Parce que là, vous me parlez du confinement, hein, mais moi, je veux vous parler du futur qui va arriver. Donc, on a un petit créneau, là. Pardon, je peux intervenir? Oui, bien sûr, Christian, vas-y. Je peux intervenir? Oui, parce que sur le Conservatoire du Littoral, il y avait une discussion, parce qu'ils voulaient nous diminuer le montant du prix de la vente parce que les terres étaient occupées. Et M. Terrier, si je ne me trompe, vous me corrigerez, avait dit qu'il était en discussion pour essayer de faire sauter cette chose-là, mais qu'il n'avait pas eu de réponse encore du Conservatoire du Littoral, qui imposait un peu les prix et sans qu'on ait de possibilité de discussion. Oui, moi j'avais réfléchi un peu pour leur faire une contre-proposition. On n'a pas rééchangé à ce sujet-là. Puisque on avait un petit peu aussi décidé avec de mon raison de se concentrer sur les grosses parties qui nous donnent un peu de fil à retordre. Et comme on savait que dans tous les cas le conservatoire achèterait, c'était pas un vrai sujet qu'on n'a pas donné suite pour l'instant. Et si vous voulez qu'on solde la vente, moi je garantis que on est d'accord au prix qui veulent et puis c'est tout. 1350 euros l'hectare. Voilà. Commission il y a 3 parcelles sur les angles. Il y en a sur la tranche. Oui, il y a 2 parcelles ou 3 sur la tranche et 1 ou 2 à Longeville, sur mer. Ah oui. D'accord. La tranche, Longeville, les angles, et après le Bernard s'est vendu. Et le Bernard, c'est ce compromis. Oui. Et après, à l'origine, c'est l'objet des 2 compromis qui sont en attente de signature, quoi. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Je disais que, hormis les parcs, quoi, il reste en gros 3 parcelles pour lesquelles on n'a pas d'acquéreur, mais tout le reste, c'est soit sous compromis, soit on a une offre ferme. Quelles sont les 3 parcelles sur lesquelles on n'a pas d'offre? C'est les parcelles qui sont situées à Angle. Angle, ah oui. Oui, et le en tout cas, pour lui, le fermier était plutôt intéressé. Donc, on veut l'envoyer, mais c'était plus une question de prix. Donc, on avait essayé de filer un prix un peu élevé. Et eux, c'était pas. C'est compris dans le Conservatoire du Littoral, ça? Angle? Non, justement. Non, Angle, c'est un petit talon du Conservatoire. D'accord, c'est Chusseau, c'est Jousset, c'est le troisième, je ne sais pas comment il s'appelle. De la Vergne. Voilà, ces 3-là. D'accord. Christian, tu m'entends? Ouais, moi je reviens au prémarais là. Hein. Est-ce qu'on peut aujourd'hui statuer sur ce dossier et en finir de ce côté-là? Côté Black Bel Air, vous avez l'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avertir les indivisaires pour que nous couvrions. Je vais leur envoyer une lettre circulaire en leur disant qu'on nous propose pour les prémarais 1350 euros de l'hectare, que c'est le conservatoire du littoral, et qu'il n'y a pas à discuter, donc on le vend à ce prix-là. Voilà. Vas-y, vas-y, Christian. Et tu l'envoies même au Black Bel Air. Oui, oui, oui. Pas de souci. Oui, oui. Pas de souci. Tout à fait. Alors, je fais comme ça, et dès que j'ai la réponse, je vous avertis, monsieur Terrier. Voilà. Et maître Tino, j'ai entendu, et donc je ferai un mail explicatif, bref, et, pour lancer les choses de ce côté-là. Quoi. Voilà. Alors, pour en revenir aux procurations, est-ce qu'il est possible. Voilà. D'avoir des procurations en même temps. Alors, tout à fait. Alors, en même temps, oui, on essaye pour que vous n'ayez à vous déplacer qu'une seule fois et faire certifier votre signature en, une bonne fois pour toutes. On vous a adressé aujourd'hui une première procuration et donc la deuxième va concerner l'affaire avec le RL Lalandette. Et donc, je comprends que là, il va y avoir une troisième procuration également. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut... Il va y avoir la... Est-ce qu'on peut vous donner mandat? Est-ce que la succession, maître, peut vous donner mandat pour la vente de toutes les terres de Fouquet? Et vous, vous avez une procuration de principe et vous actionnez ça au gré des possibilités, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est un peu... Pour une vente, c'est un peu délicat. Dans la mesure, tant qu'on n'a pas les conditions de la vente, je ne peux pas m'engager de cette manière. Il faut en fait que j'ai au moins le prix. Oui, d'accord. Voilà, donc... Il faut que chaque procuration soit individualisée sur laquelle il y a le prix. Voilà, c'est le mieux parce que sinon, les procurations deviennent interdépendantes. Donc il ne faudrait pas non plus que le fait qu'il y ait une vente qui tombe annule la procuration initiale sur l'autre vente qui se maintient. Exact. Mais en revanche, je comprends votre position à ne pas vouloir vous déplacer non plus 5 fois pour faire des applications de signature. Non, moi personnellement ça ne me gêne pas, je ne sais pas Claude si ça le gêne aussi beaucoup ou non, mais si les indivisaires nous donnent procuration à nous pour vendre les terres, et après, à chaque vente, on nous donne un mandat général pour vendre ces terres. Et nous, à chaque vente, on vous donne une procuration. Ah oui. Vous nous envoyez une procuration. Est-ce que c'est possible, ça, si je m'explique bien? Moi, ça me va bien. En fait, vous, la procuration générale, et ensuite, que moi, j'ai une procuration spécifique, mais signée que par l'un d'entre vous, et qui représentait les autres au titre d'un mandat. Tout à fait, tout à fait. Oui. C'est jouable, ça? C'est jouable. Ça revient un peu au même, c'est de ricocher, mais je vais y réfléchir. Vous me laissez le bénéfice du doute et je vous apporte la réponse en même temps que je vous envoie le mail avec la proposition de auprès de l'avocat de M. Lucas. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça va même encore accélérer plus les choses, maître. Mais ben, je plaisante. Si on n'est que deux à devoir signer une procuration, en fait, ça va simplifier les choses. Et si on a un mandat général, Claude et moi, pour signer les ventes, c'est un peu la même chose, hein, ça revient au même. C'est-à-dire que moi, je regarde dans ce cas-là une chaîne de pouvoir, vous me dites que vous pouvez signer en représentant les autres. Je vais vous demander dans ce cas-là le pouvoir que vous avez. Et sur le pouvoir, je n'aurai pas les conditions spécifiques de chaque vente. Vous allez devoir nous demander notre pouvoir qui ne peut pas être un mandat général. C'est là où je peux être embêté, en effet. Oui, d'accord. Il y a une chose, maître, sur laquelle... Vous n'êtes pas les premiers dans une situation comme ça, donc il doit bien y avoir une solution que je vais trouver en cherchant dans les dossiers des grandes familles. Bon, vous allez regarder ça, et puis profitez-en pour penser à notre bourse et à faire en sorte que toutes ces procurations ne soient pas élevées à 45 euros comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Voilà, hein. Oui, ça c'est. Je vous le confirme, qu'on vous l'a facturé une fois et c'est une fois pour toutes. Ah! Ah bon? C'est simplement. Sur le plan financier, vous faites cette économie, ça je vous le confirme. En revanche, sur le plan juridique, pratique, je crains pas y arriver tout de suite, mais je vais essayer de trouver une solution quand même. Bon, ben alors, en tout cas, confirmez-nous que nous n'avons que 45 euros à débourser individuellement, une fois pour toutes. Parce que ça, voilà. C'était pas entendu comme ça sur la procuration que vous nous avez fait dernièrement passer, là. Non, en effet, parce qu'il y avait dedans les conventions d'honoraires, et c'est 7 fois pour toutes les autres. Donc en effet, pour les autres, il n'y aura pas la convention d'honoraires, il n'y aura que la procuration. Bon, écoutez, vous arrangez ça. On est en générosité. Allez, non, merci, on vous encourage. Voilà. Bon. Donc, concrètement, vous pouvez nous envoyer la procuration pour la vente Lucas, la procuration pour la vente de la Landette, Bernard, et voilà. Alors, la Landette, les conditions sont aujourd'hui bien arrêtées, donc j'aurais pas de mal en effet à vous la faire parvenir. Lucas, il faudra quand même qu'il me soit confirmé les conditions de la part de son avocat. Voilà, voilà. Mais là, vous pouvez nous faire deux procurations distinctes et après réfléchir pour savoir pour les prémarrés et pour tout ça si on peut avoir une procuration générale. Ouais, d'accord. Voilà. Très bien. Bon, et là, je vous remercie pour cette communication qui permet d'avancer, je crois, nettement sur le dossier. Et je reviens vers vous très rapidement par mail. Très bien, maître. Très bien. Merci. Salut, Christian. Au revoir, monsieur Terrier. Oui. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.